Chapitre 12. La crique de Black Rock. On sait combien la nature humaine est portée aux illusions. Certes, des chances existaient pour que l'appareil tant recherché ne fût plus à cette place. En admettant que ce fût lui dont Wells avait observé l'immersion dans l'après-midi du 27. Si quelque avarie survenue à son triple système de locomotion l'avait empêché de regagner par terre ou par eau sa retraite et obligé à relâcher au fond de la crique de Black Rock, que devions-nous penser enfin, ne l'y voyant plus? C'est que réparation faite, il s'était remis en route, ce qu'il avait abandonné ses parages du lac Errié. Eh bien, ces éventualités, si probables pourtant, nous n'avions pas voulu les admettre à mesure que cette journée avançait. Non, nous ne doutions plus, ni qu'il s'agissait bien de l'épouvante, ni qu'elle ne fût mouillée au pied des roches, là où elle s'avait pu constater sa présence. Et alors, quel désappointement, je dirais même quel désespoir. Toute notre campagne réduite à néant. Si l'épouvante naviguait encore sur ou sous les eaux du lac, la retrouver, la rejoindre, la capturer, c'était hors de notre pouvoir. Et, pourquoi s'illusionner à cet égard, hors de tout pouvoir humain. Nous restions là, anéantis, Wells et moi, tandis que John Hart et Nab Walker, non moins dépités, se portaient sur divers points de la crique. Et cependant, nos mesures étaient bien prises. Elles avaient toute chance de succès. Si au moment de notre arrivée, les deux hommes signalés par Wells eussent été sur la grève, nous aurions pu, en rampant, arriver jusqu'à eux, les surprendre, les saisir, avant qu'ils ne se fussent embarqués. S'ils avaient été à bord, derrière les roches, nous aurions attendu leur descente à terre, et il eût été facile de leur couper la retraite. Vraisemblablement, puisque le premier jour, comme le second, Wells n'avait jamais aperçu que ces deux hommes, c'est que l'épouvante ne comptait pas un personnel plus nombreux. Voilà ce que nous avions pensé. Voilà de quelle façon nous aurions opéré. Mais par malheur, l'épouvante n'était plus là. Posté à l'extrémité de la passe, je n'échangeais que quelques paroles avec Wells. Et était-il besoin de parler pour se comprendre? Après le dépit, la colère nous envahissait peu à peu. Avoir manqué notre coup, nous sentir impuissants à continuer comme à recommencer cette campagne. Près d'une heure s'écoula et nous ne songions pas à quitter la place. Nos regards ne cessaient de fouiller ces épaisses ténèbres. Parfois une lueur, due au brasillement des eaux, tremblotait à la surface du lac puis s'éteignait, et avec elle un espoir promptement déçu. Parfois aussi, il nous semblait voir une silhouette se dessiner à travers l'ombre, la masse d'un bateau qui se fût approché. Parfois encore, quelques remous s'arrondissaient, comme si la crique eût été troublée dans ses profondeurs. Puis ces vagues indices disparaissaient presque aussitôt. Il n'y avait là qu'une illusion d'essence, une erreur de notre imagination affolée. Mais voici que nos compagnons nous rejoignirent, et ma première question fut : rien de nouveau ? « Rien, dit John Hart. Vous avez fait le tour de la crique ?»« Oui, répondit Nab Walker, et nous n'avons pas même vu quelques vestiges du matériel que M. Wells avait vu débarquer. »« Attendons, dis-je, car je ne pouvais me décider à revenir vers le bois. » Or, à cet instant, notre attention fut attirée par une certaine agitation des eaux qui se propageait jusqu'au bas des roches. « C'est comme un clapotis, observa Wells. » « En effet, répondis-je en baissant instinctivement la voix. D'où provient-il? La brise est complètement tombée. Est-ce un trouble qui se produit à la surface du lac? » Ou au-dessous, ajouta Wells qui se courbait pour mieux entendre. En effet, il y avait lieu de se demander si quelque bateau, dont le moteur eût provoqué cette agitation, ne se dirigeait pas vers le fond de la crique. Silencieux, immobile, nous essayions de percer cette profonde obscurité tandis que le ressac s'accentuait contre les roches du littoral. Cependant, John Hart et Nab Walker avaient gravi vers la droite l'arête supérieure. Quant à moi, baissé au ras de l'eau, j'observais l'agitation qui ne diminuait pas. Au contraire, elle devenait plus sensible, et je commençais à percevoir une sorte de battement régulier, pareil à celui que produit une hélice en mouvement. Plus de doute, déclara Wells en se penchant jusqu'à moi. « C'est un bateau qui s'approche. »« Assurément, » répondis-je, « et à moins qu'il n'y ait des cétacés ou des squales dans les rillets. » « Non, un bateau, » répétait Wells. « Se dirige-t-il vers le fond de la crique ou cherche-t-il à accoster plus haut ?»« C'est ici que vous l'aviez vu par deux fois ?»« Oui, ici, monsieur Stroke. » »« Eh bien, si c'est le même, et ce ne peut être que lui, il n'y a aucune raison pour qu'il ne revienne pas à la même place. » « Là, là !» dit alors Wells en tendant la main vers l'entrée de la crique. Nos compagnons venaient de nous rejoindre. À demi couchés tous quatre sur le bord de la grève, nous regardions dans la direction indiquée. On distinguait vaguement une masse noire qui se mouvait au milieu de l'ombre. Elle s'avançait très lentement et devait être encore à plus d'une encablure au nord-est. C'est à peine si maintenant le grondement de son moteur se faisait entendre. Peut-être après avoir stoppé, le bateau ne marchait-il plus que sur son air ? Ainsi donc, comme la veille, l'appareil allait passer la nuit au fond de la crique. Pourquoi avait-il quitté ce mouillage auquel il revenait ? Avait-il subi de nouvelles avaries qui l'empêchaient de prendre le large ? Ou s'était-il vu dans la nécessité de partir avant que ses réparations fussent achevées ? Quelle raison le contraignait à regagner cette place ? Enfin, existait-il un motif impérieux pour lequel, après s'être transformé en automobile, il n'aurait pu se lancer sur les routes de l'Ohio ? Toutes ces questions se présentaient à mon esprit, et l'on comprendra qu'il ne me fut pas permis de les résoudre. D'ailleurs, nous raisonnions toujours, Wells et moi, d'après la conviction que cet engin était bien celui du maître du monde. Cette épouvante où il avait daté sa lettre de refus aux propositions de l'État. Et cependant, cette conviction ne pouvait avoir la valeur d'une certitude, bien qu'elle nous parût telle. Enfin, quoi qu'il en fût, le bateau continuait à s'approcher et certainement son capitaine connaissait parfaitement ses passes de Black Rock puisqu'il s'y aventurait en pleine obscurité. Pas un fanal à bord, pas une clarté de l'intérieur filtrant à travers les hublots. Par instant, on entendait la machine qui fonctionnait en douceur. Les clapotis du remous s'accentuaient et avant quelques minutes, il serait à quai. Si j'emploie cette expression usitée dans les ports, ce n'est pas sans justesse. En effet, les roches, en cet endroit, formaient plateau à 5 ou 6 pieds au-dessus du niveau du lac, emplacement tout indiqué pour un accostage. « Ne restons pas ici, » dit Wells en me saisissant le bras. « Non, » répondis-je, « nous risquerions d'être découverts. Il faut se blottir du côté de la grève, se cacher dans quelque anfractuosité et attendre. Nous vous suivons. » Pas une minute à perdre. Peu à peu, la masse s'approchait, et sur le pont faiblement élevé au-dessus de l'eau se montrait la silhouette de deux hommes. Est-ce que décidément ils n'étaient que deux à bord ? Wells et moi, John Hart et Nab Walker, après avoir remonté la passe, nous rampions le long des roches. Des cavités s'évidaient, ça et là. Je m'enfonçais avec Wells dans l'une, les deux agents dans l'autre. Si les hommes de l'épouvante descendaient sur la grève, ils ne pourraient nous voir, mais nous les verrions. Et il y aurait lieu d'agir suivant les circonstances. Au bruit qui se faisait du côté du lac, à diverses paroles échangées en langue anglaise, il était évident que le bateau venait d'accoster. Presque aussitôt, une amarre fut envoyée précisément à l'extrémité de la passe que nous venions de quitter. En se glissant jusqu'à l'angle, Wells constata que l'amarre était halée par un des marins qui avait sauté à terre, et l'on put entendre le grappin racler le sol. Quelques minutes après, des pas firent crier le sable de la grève. Deux hommes, après avoir remonté la passe, se dirigèrent vers la lisière du petit bois, marchant l'un près de l'autre à la clarté d'un fanal. Qu'allait-il faire de ce côté ? Est-ce que cette crique de Black Rock était un point de relâche pour l'épouvante ? Est-ce que son capitaine avait là un dépôt de provisions ou de matériel ? Est-ce qu'il venait s'y ravitailler lorsque les fantaisies de ses aventures et voyages le ramenaient en cette partie du territoire des États-Unis ? Savait-il donc cet endroit si désert, si infréquenté, qu'il ne devait craindre d'y être jamais aperçu ? « Que faire ? » demanda Wells. « Laissez ces gens revenir, et alors ?» La parole me fut coupée net par la surprise. Les hommes n'étaient pas à 30 pas de nous, lorsque l'un d'eux se retournant, la lumière du fanal qu'il portait tomba en plein sur son visage. Ce visage, c'était celui d'un des individus qui m'avait guetté devant ma maison de Long Street. Je ne pouvais m'y tromper. Je le reconnaissais comme l'aurait reconnu ma vieille servante. C'était lui, c'était bien lui, un des espions dont je n'avais pu retrouver les traces. À n'en pas douter, la lettre que j'avais reçue venait d'eux, cette lettre dont l'écriture s'identifiait avec celle du maître du monde. Comme celle-ci, avait-elle donc été écrite à bord de l'épouvante? Il est vrai, les menaces qu'elle renfermait concernaient le Greatery, et une fois de plus, je me demandais quel rapport pouvait exister entre le Greatery et l'épouvante. En quelques mots, j'eus mis Wells au courant, et pour toute réponse, il me dit « Tout cela est incompréhensible. » Cependant, les deux hommes avaient continué leur marche vers le petit bois, et ils ne tardèrent pas à en franchir la lisière. « Pourvu qu'ils ne découvrent pas notre attelage, » murmura Wells. « Ce n'est pas à craindre s'ils ne dépassent pas les premières rangées d'arbres. Enfin, s'ils le découvrent, ils viendront se rembarquer et il sera temps de leur couper la retraite. » Du reste, vers le lac, là où était accosté le bateau, on n'entendait aucun bruit. Je quittai la cavité, je suivis la passe et m'arrêtai à l'endroit où le grappin mordait le sable. L'appareil était là, tranquille au bout de son amarre. Pas de lumière à bord, personne, ni sur le pont, ni sur le plateau. L'occasion n'était-elle pas propice? Sauter à bord et attendre le retour des deux hommes? « Monsieur Stroke, Monsieur Stroke !» C'était Wells qui me rappelait. Je revins en toute hâte et me blottis près de lui. Peut-être était-il trop tard pour prendre possession du bateau, mais peut-être aussi la tentative eût-elle échoué si d'autres se trouvaient à bord. Quoi qu'il en soit, celui qui portait le fanal et son compagnon venaient de reparaître sur la lisière et redescendaient la grève. Assurément, ils n'avaient rien découvert de suspect. Chargés l'un et l'autre d'un ballot, ils suivirent la passe et s'arrêtèrent au pied du plateau. Aussitôt, la voix de l'un d'eux se fit entendre. « Hé, capitaine !»« Voilà, » fut-il répondu. Wells, penché à mon oreille, me dit. « Ils sont trois. »« Peut-être quatre, » répondis-je. « Peut-être cinq ou six. » La situation ne laissait pas de se compliquer. Contre un équipage trop nombreux, qu'aurions-nous pu faire? Dans tous les cas, la moindre imprudence nous eût coûté cher. Maintenant que les deux hommes étaient de retour, allaient-ils se rembarquer avec les ballots? Puis son amarre larguée, le bateau quitterait-il la crique ou y resterait-il jusqu'au lever du jour? Mais s'il se mettait en marche, ne serait-il pas perdu pour nous? Où le retrouver? Pour abandonner les eaux du lac Errier, n'avait-il pas les routes des États limitrophes ou le cours de Détroit River qui l'aurait conduit au lac Huron? Et cette occasion se représenterait-elle jamais qu'il fût de nouveau signalé au fond de la crique de Black Rock? « À bord, » dis-je à Wells. « Art, Walker, vous et moi, nous sommes quatre. Ils ne s'attendent pas à être attaqués. Ils seront surpris. Adieu va, comme disent les marins. » J'allais appeler mes deux agents lorsque Wells me saisit le bras. « Écoutez, » dit-il. En ce moment, un des hommes halait le bateau qui se rapprochait des roches. Et voici les paroles qui furent échangées entre le capitaine et ses compagnons. « Tout était en ordre là-bas ?»« Tout, capitaine. Il doit rester encore deux ballots ?»« Deux. Un seul voyage suffira pour les rapporter à l'épouvante. » L'épouvante, c'était bien là l'appareil de ce maître du monde. « Un seul voyage, » avait répondu l'un des hommes. « Bien, nous repartirons demain au lever du soleil. » N'était-il donc que trois à bord? Trois seulement, le capitaine et ses deux hommes? Or, ceux-ci allaient sans doute chercher les derniers ballots dans le bois. Puis au retour, ils embarqueraient, ils descendraient dans leur poste, ils s'y coucheraient. Ne serait-ce pas alors le moment de les surprendre avant qu'ils se fussent mis sur la défensive? Assuré, pour l'avoir entendu de la bouche même du capitaine, qu'ils ne partiraient qu'à l'aube, Wells et moi, nous fûmes d'accord pour laisser revenir les hommes, et lorsqu'ils seraient endormis, nous prendrions possession de l'épouvante. Maintenant, pourquoi la veille le capitaine avait-il quitté son mouillage sans achever l'embarquement du matériel, ce qui l'avait forcé de regagner la crique? Je ne me l'expliquais pas. En tout cas, c'était une heureuse chance et nous saurions en profiter. Il était alors 10h30. À ce moment, des pas se firent entendre sur le sable. L'homme au fanal reparut avec son compagnon et tous deux remontèrent vers le bois. Dès qu'ils eurent franchi la lisière, Wells alla prévenir nos agents, tandis que je me glissais jusqu'à l'extrémité de la passe. L'épouvante était à bout d'amarre. Autant qu'on en pouvait juger, c'était bien un appareil allongé en forme de fuseau, sans cheminée, sans mâture, sans gréement, semblable à celui qui avait évolué sur les parages de la Nouvelle-Angleterre. Nous reprîmes place dans les anfractuosités, après avoir vérifié nos revolvers, dont il y aurait peut-être lieu de se servir. 5 minutes s'étaient écoulées depuis que les hommes avaient disparu, et d'un moment à l'autre, on s'attendait à les voir revenir avec les ballots. Après qu'ils seraient embarqués, nous attendrions le moment de sauter à bord, mais pas avant 1 heure, afin que le capitaine et ses compagnons fussent profondément endormis. Il importait qu'ils n'eussent le temps ni de lancer l'appareil sur les eaux de l'Érié, ni de l'immerger dans ses profondeurs, car nous aurions été entraînés avec lui. Non, je n'ai jamais ressenti, dans toute ma carrière, pareille impatience. Il me semblait que les 2 hommes retenus dans le bois, quelques circonstances les empêchaient d'en sortir. Soudain, un bruit se fit entendre, un piétinement de chevaux échappés, toute une galopade le long de la lisière. C'est notre attelage qui prit d'effroi, a quitté la clairière, et le voici qui débouche sur la grève. Presque aussitôt les hommes paraissent, et cette fois ils courent à toutes jambes. Pas de doute, la présence de notre attelage leur a donné l'éveil. Ils se sont dit que des gens de la police étaient cachés dans le bois. On les épiait, on les guettait, on allait s'emparer d'eux. Aussi se précipitent-ils vers la passe, et après avoir arraché le grappin, ils sauteraient à bord. L'épouvante disparaîtrait avec la rapidité d'un éclair, et la partie serait définitivement perdue. « En avant !» m'écriai-je. Et nous voici dévalant sur la grève pour couper la retraite à ces hommes. Dès qu'ils nous voient, ils jettent les ballots, et déchargeant leurs revolvers, ils blessent John Hart, qui est frappé à la jambe. Nous tirons à notre tour, moins heureusement. Ces hommes ne furent ni atteints, ni arrêtés dans leur course. Arrivés à l'extrémité de la passe, sans prendre le temps de dégager le grappin, ils sont en quelques brassés sur le pont de l'épouvante. Le capitaine, debout à l'avant, le revolver à la main, fait feu et une balle effleure Wells. Nab Walker et moi, après avoir saisi la mare, nous allions dessus. Mais il suffirait qu'elle soit coupée du bord pour que le bateau puisse se remettre en marche. Soudain le grappin s'arrache du sable et une de ses pattes me prenant à la ceinture, tandis que Walker est renversé par la secousse, je suis entraîné sans parvenir à me dégager. À ce moment, l'épouvante, poussée par son moteur, fait comme un bond et file de toute sa vitesse à travers la crique de Black Rock. Chapitre 13. À bord de l'épouvante. Lorsque je revins à moi, il faisait jour. Une demi-clarté traversait l'épais hublot de l'étroite cabine où l'on m'avait déposé. Depuis combien d'heures, je n'aurais pu le dire, mais il me semblait bien à l'obliquité de ces rayons que le soleil ne devait pas être très élevé au-dessus de l'horizon. Un cadre me servait de lit, une couverture était étendue sur moi. Mes vêtements pendus dans un coin avaient été séchés. Ma ceinture, déchirée en partie par la patte du grappin, gisait sur le plancher. Du reste, je ne me sentais aucune blessure, un peu de courbature seulement. Si j'avais perdu connaissance, je me rendais bien compte que ce n'était pas par faiblesse. Comme ma tête plongeait parfois dans l'eau lorsque la mare me traînait à la surface du lac, j'aurais été asphyxié si l'on ne m'eût pas remonté à temps sur le pont. Et maintenant, étais-je seul avec le capitaine et ses 2 hommes à bord de l'épouvante? C'était probable pour ne pas dire certain. Toute la scène me revenait à l'esprit. Hart, blessé d'une balle, tombant sur la grève, Wells essuyant un coup de revolver, Walker renversé sur le sol à l'instant où le grappin s'accrochait à ma ceinture. Et de leur côté, mes compagnons ne devaient-ils pas penser que j'eusse péri dans les eaux de l'Érié? En ce moment, dans quelles conditions naviguait l'épouvante? Après avoir transformé son bateau en automobile, le capitaine courait-il les routes des états limitrophes du lac? Si cela était, pour peu que je fusse resté sans connaissance de longues heures, l'appareil à toute vitesse ne devait-il pas être déjà loin? Ou bien redevenu submersible, poursuivait-il sa route sous les eaux du lac? Non. L'épouvante se mouvait alors sur une vaste surface liquide. La lumière, pénétrant dans ma cabine, indiquait que l'appareil n'était point immergé. D'autre part, je ne ressentais aucun de ces chaos que l'automobile eût éprouvé sur une route. Donc l'épouvante n'avait pas pris terre. Quant à la question de savoir si elle naviguait encore dans le bassin de l'Errier, c'était autre chose. Le capitaine n'avait-il pu remonter le cours de Détroit River et gagner soit le lac Huron, soit le lac supérieur, à travers cette immense région lacustre? Il me serait difficile de le reconnaître. Cependant, je me décidai à monter sur le pont. Une fois dehors, j'aviserai. Après m'être tiré du cadre, je pris mes vêtements, je m'habillai sans trop savoir d'ailleurs si je n'étais pas sous verrou dans cette cabine. J'essayai alors de relever le panneau rabattu au-dessus de ma tête. Le panneau céda à la poussée et je me redressai à mi-corps. Mon premier soin fut de regarder en avant, en arrière, des deux côtés et par-dessus la rambarde de l'épouvante. Partout la vaste nappe liquide. Pas un rivage en vue. Rien qu'un horizon formé par la ligne du ciel. Que ce fût un lac ou la mer, je ne tardai pas à être fixé sur ce point. Comme nous filions à grande vitesse, l'eau, coupée par l'étrave, rejaillissait jusqu'à l'arrière et les embruns me fouettaient la figure. C'était de l'eau douce et très probablement celle de l'Errier. Or, il ne devait pas s'être écoulé plus de 7 à 8 heures depuis le moment où l'épouvante avait quitté la crique de Black Rock, car le soleil se montrait à mi-chemin du zénith. Cette matinée ne pouvait être que celle du 31 juillet. Aussi, étant donné la longueur du lac Errier, soit 220 milles, sa largeur, soit une 50aine de milles, je n'avais pas lieu de m'étonner si je n'en apercevais point les rives, ni celles de l'est du côté de l'État de New York, ni celles de l'ouest du côté des territoires canadiens. À cet instant, deux hommes étaient sur le pont, l'un à l'avant, observant la marche, l'autre à l'arrière, maintenant la barre en direction du nord-est, ainsi que je le jugeais à la position du soleil. Le premier était celui que j'avais reconnu pour un des espions de Long Street alors qu'il remontait la grève de Black Rock. Le second, c'était celui qui portait le fanal pendant la visite au Petit Bois. Je cherchais vainement le troisième, qu'ils avaient appelé capitaine à leur retour à bord. Je ne le vis pas. On comprendra le désir que j'éprouvais de me trouver en présence de ce créateur du prodigieux appareil, de ce commandant de l'épouvante, le fantastique personnage dont s'occupait et se préoccupait le monde entier, l'audacieux inventeur qui ne craignait pas d'entrer en lutte avec l'humanité et se proclamait maître du monde. J'allai à l'homme de l'avant et après une minute de silence, je lui dis « Où est le capitaine ?» Cet homme me regarda, les yeux à demi fermés. Il ne semblait pas me comprendre et je savais, pour l'avoir entendu la veille, qu'il parlait l'anglais. D'ailleurs, une remarque que je fis, il ne parut point s'inquiéter de me voir hors de la cabine. Et après m'avoir tourné le dos, il se remit à observer l'horizon. Je revins alors vers l'arrière, décidé à faire la même question au sujet du capitaine. Dès que je fus en face du timonier, celui-ci m'écarta de la main et je n'obtins aucune réponse. Il ne me restait donc plus qu'à attendre l'apparition de celui qui nous avait accueillis à coups de revolver, lorsque mes compagnons et moi nous allions sur la mare de l'épouvante. J'eus le loisir alors d'examiner les dispositions extérieures de l'appareil qui m'emportait. Où ? Le pont et l'accastillage étaient faits d'une sorte de métal dont je ne reconnus pas la nature. Vers le centre, un panneau, demi-soulevé, recouvrait la chambre où les machines fonctionnaient avec une régularité presque silencieuse. Ainsi qu'il a été dit, ni mâture, ni gréement, pas même la hampe d'un pavillon à l'arrière. Vers l'avant se dressait la tête d'un périscope qui permettait à l'épouvante de se diriger sous les eaux. Sur les flancs se rabattaient deux espèces de dérives semblables à celles de certaines galiotes hollandaises et dont je ne m'expliquais pas l'usage. À l'avant s'arrondissait un troisième panneau qui devait recouvrir le poste occupé par les deux hommes lorsque l'épouvante n'était pas en marche. À l'arrière, un panneau identique donnait très probablement accès à la cabine du capitaine, lequel ne se montrait pas. Lorsque ces divers panneaux étaient rajustés sur leur cadre à garniture en caoutchouc, ils s'y appliquaient si hermétiquement que l'eau ne pouvait pénétrer à l'intérieur pendant les évolutions sous-marines. Quant au moteur qui imprimait cette prodigieuse vitesse à l'appareil, je n'en pus rien voir, non plus que du propulseur et hélice sous turbine. Tout ce que je constatai, c'est que le bateau ne laissait derrière lui qu'un long sillage plat, dû à l'extrême finesse de ses lignes d'eau, et qui lui donnait toute facilité pour se dérober à la lame, même par mauvais temps. Enfin, pour n'y plus revenir, l'agent qui mettait cette machine en mouvement n'était ni la vapeur d'eau, ni les vapeurs de pétrole, d'alcool ou autres essences que leur odeur eût trahies et qui sont le plus généralement employées pour les automobiles ou les sous-marins. Nul doute que cet agent ne fût l'électricité emmagasinée à bord sous une tension extraordinaire. Alors se posait cette question. D'où provenait-elle, cette électricité? De piles? D'accumulateurs? Mais comment ces accumulateurs, ces piles, étaient-ils chargés? À quelle source intarissable la puisait-on? Où fonctionnait l'usine qui la fabriquait? À moins qu'elle ne fût directement tirée de l'air ambiant ou de l'eau ambiante par des procédés inconnus jusqu'à ce jour. Et je me demandais si, dans les conditions présentes, je parviendrais à découvrir ses secrets. Puis je songeais à mes compagnons, restés là-bas sur la grève de Black Rock. L'un d'eux blessé, les autres, Wells et Nab Walker, aussi peut-être. En me voyant entraîné au bout de cet amarre, ont-ils pu supposer que j'eusse été recueilli à bord de l'épouvante? Non, sans doute. La nouvelle de ma mort, M. Ward ne devait-il pas l'avoir reçue par un télégramme de Toledo? Et maintenant, qui oserait entreprendre une nouvelle campagne contre ce maître du monde? Ces diverses réflexions s'entremêlaient dans ma tête en attendant que le capitaine parût sur le pont. Et il ne paraissait pas. À ce moment, voici que la faim se fit vivement sentir, justifiée par une diète prolongée pendant près de 24 heures. Je n'avais rien mangé depuis notre dernier repas, en admettant que ce repas eût été pris la veille, et à en croire mes tiraillements d'estomac, j'en étais à me demander si mon embarquement à bord de l'épouvante ne remontait pas à 2 jours, ou même davantage. Heureusement, la question de savoir si on me nourrirait et comment on me nourrirait fut tranchée à l'instant. L'homme de l'avant, après être descendu dans le poste, venait de reparaître. Puis, sans prononcer une parole, il déposa quelques provisions devant moi et regagna sa place. De la viande conservée, du poisson sec, du biscuit de mer, un pot d'une aile si forte que je dus la mélanger d'eau, tel fut le déjeuner auquel je fis honneur. Quant à l'équipage, il avait sans doute mangé avant que j'eusse quitté ma cabine et il ne me tint point compagnie. Il n'y avait rien à tirer d'eux, et je retombai dans mes réflexions, me répétant. Comment cette aventure finira-t-elle? Cet invisible capitaine, le verrai-je enfin, et me rendra-t-il ma liberté? Parviendrai-je à la recouvrer malgré lui? Cela dépendrait des circonstances, mais si l'épouvante se tient au large de tout littoral, ou si elle navigue sous les eaux, comment parvenir à la quitter? À moins que l'appareil ne redevienne automobile, faudra-t-il renoncer à toute tentative d'évasion? D'ailleurs, pourquoi ne l'avouerais-je pas? M'échapper sans rien avoir découvert des secrets de l'épouvante, je ne pouvais me faire à cette idée. Car enfin, bien que je n'eusse pas à me féliciter jusqu'ici de ma nouvelle campagne, et il s'en est fallu de peu que j'y laisse la vie, bien que l'avenir offrît plus de mauvaises chances que de bonnes, l'affaire avait fait un pas. Il est vrai, si je ne puis rentrer en communication avec mes semblables, si comme ce maître du monde qui est mis hors la loi, je suis hors de l'humanité. L'épouvante continuait à se diriger vers le nord-est, dans le sens même de la longueur de l'Errier. Elle ne marchait plus qu'à moyenne vitesse, et d'ailleurs, en la poussant à son maximum, il ne lui aurait fallu que quelques heures pour atteindre la pointe nord-est du lac. À cette extrémité, l'Errier n'a d'autre issue que la rivière Niagara, qui le relie à l'Ontario. Or, cette rivière est barrée par les fameuses cataractes, une 15 milles au-dessous de Buffalo, importante cité de l'État de New York. Du moment que l'épouvante n'avait pas remonté des Trois Rivers, comment abandonnerait-elle ces parages à moins de prendre les routes de terre? Le soleil venait de passer au méridien. Le temps était beau, la chaleur forte mais supportable, grâce à la brise qui rafraîchissait l'espace. Les rives du lac n'apparaissaient pas encore, ni du côté canadien, ni du côté américain. Décidément, est-ce que le capitaine tenait à ne point se montrer à moi? Avait-il quelque raison de ne pas se faire connaître? Une telle précaution indiquait-elle qu'il eut l'intention de me mettre en liberté le soir venu, lorsque l'épouvante aurait atteint le littoral? Cela me semblait plus improbable. Or, vers les 2 heures de l'après-midi, un léger bruit se produisit. Le panneau central se souleva et le personnage, si impatiemment attendu, parut sur le pont. Je dois le dire, il ne me prêta pas plus d'attention que ne l'avaient fait ses hommes, et allant vers le timonier, il prit sa place à l'arrière. Celui-ci, après quelques mots prononcés à voix basse, descendit dans la chambre des machines. Le capitaine, ayant promené son regard sur l'horizon et consulté la boussole posée devant la barre, modifia légèrement la direction et la vitesse de l'épouvante s'accrut. Cet homme devait avoir dépassé de quelques années la cinquantaine. Taille moyenne, épaules larges, très droite encore, tête forte, cheveux courts, plutôt gris que blanc, ni moustache ni favori, une épaisse barbiche à l'américaine, bras et jambes musculeux, mâchoire au masséter puissant, poitrine large et signes caractéristiques de grande énergie, le muscle sourcilier en contraction permanente. Assurément, il possédait une constitution de fer, une santé à toute épreuve, un sang aux globules ardents sous le hâle de la peau. De même que ses compagnons, le capitaine était vêtu d'habits de mer que recouvrait une capote cirée et un béret de laine lui tenait lieu de coiffure. Je le regardais. S'il ne cherchait point à éviter mes regards, du moins montrait-il une singulière indifférence, comme s'il n'avait pas un étranger à son bord. Ai-je besoin d'ajouter que le capitaine de l'épouvante était bien l'un des deux individus qui me guettait devant ma maison de Long Street? Et si je le reconnaissais, nul doute qu'il me reconnût pour l'inspecteur principal Stroke, à qui avait été confiée la mission de pénétrer dans le Greatery. Et alors, en l'observant, l'idée me vint, idée que je n'avais pas eue à Washington, que sa figure si caractéristique, je l'avais déjà vue. Où? Sur une fiche du bureau des informations, ou tout simplement en photographie à quelques vitrines? Mais combien vague ce souvenir! Et n'étais-je pas plutôt le jouet d'une illusion? Enfin, si ses compagnons n'avaient pas eu la politesse de me répondre, peut-être feraient-ils plus d'honneur à mes questions? Nous parlions la même langue, bien que je n'eusse pu assurer qu'il fût comme moi américain d'origine, à moins qu'il n'y eût chez lui parti pris de ne pas me comprendre, afin de ne point avoir à me répondre. Enfin, que voulait-il faire de moi? Comptait-il se débarrasser sans plus de façon de ma personne? N'attendait-il que la nuit pour me jeter à l'eau? Le peu que je savais de lui suffisait-il à faire de moi un témoin dangereux? Eh bien, mieux eût valu me laisser au bout de la mare. Cela aurait évité de m'envoyer par le fond. Je me relevai, je gagnai l'arrière, je restai debout devant lui. Ce fut bien en face qu'il fixa sur moi son regard brillant comme une flamme. « Êtes-vous le capitaine ? » demandai-je. Silence de sa part. « Ce bateau est bien l'épouvante ?» À ma question, nulle réponse. Alors je m'avançai et je voulus le saisir par le bras. Il me repoussa sans violence, mais d'un mouvement qui dénotait une vigueur peu commune. Revenant une seconde fois devant lui, « Que voulez-vous faire de moi ? » demandai-je d'un ton plus vif. Je crus que quelques mots s'échapperaient enfin de ses lèvres, contractées par une visible irritation. Aussi, comme pour s'en empêcher, il détourna la tête, puis sa main s'appuya sur le régulateur. Aussitôt, la machine fonctionna plus rapidement. La colère me prit, et ne me possédant plus, j'allais lui crier « Soit, gardez le silence, moi je sais qui vous êtes, comme je sais quel est cet appareil signalé à Madison, à Boston, au lac Kurdal. Oui, le même qui court sur les routes, à la surface des mers et des lacs, et sous les eaux. Et ce bateau, c'est l'épouvante, et vous qui le commandez, c'est vous qui avez écrit cette lettre au gouvernement, vous qui vous croyez de force à lutter contre le monde entier, vous, le maître du monde. » Et comment l'eût-il pu nier ? Je venais d'apercevoir les fameuses initiales inscrites sur la barre. Heureusement, je parvins à me contenir, et désespérant d'obtenir une réponse à mes questions, je revins m'asseoir près du panneau de ma cabine. Et pendant de longues heures, je ne cessai d'observer l'horizon dans l'espoir qu'une terre paraîtrait bientôt. Oui, attendre. J'en étais réduit là, attendre. La journée ne finirait pas sans doute avant que l'épouvante ne fût en vue du littoral de l'Érié, puisque sa direction se maintenait imperturbablement au nord-est.